بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui, comme la semaine dernière, il n'y aura que le cours du Tawhid. Donc inshallah ta'ala, à partir de la semaine prochaine, je serai en mesure de faire également le cours de Taysir al-Allam. La semaine dernière, on avait entamé le chapitre, la parole d'Allah Azza wa Jal, Innaka la tahdi man ahbabt, tu ne guides pas qui tu veux. On avait terminé le chapitre de Al-Shafa'a, de l'intercession, et je vous avais dit que je vous questionnerai sur les 6 catégories d'intercession qui ont été accordées au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Qui se porte volontaire pour nous les citer? Mustapha? Fadal. Naam, al-shafa'atul kubra. Un groupe. Non. Il y a un groupe de pécheurs qui devait rentrer en enfer. Il intercédera pour eux pour qu'ils rentrent au paradis. Pour qu'ils n'entrent pas en enfer. Non. Taïb. Il y a un groupe de personnes qui sont au paradis, qui rentreront au paradis pour les élever. Non. Non. Pour que son jugement soit léger. Non. Il en manque un. Que les gens de l'enfer sortent de l'enfer. Non. Intercéder en faveur de ceux qui sont entrés en enfer pour qu'ils en sortent. Taïb. Donc voici, inshallah ta'ala, قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Il est rapporté dans le Sahih selon Ibn al-Musayyib, selon son père, salam. Lorsque Abu Talib, qui est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était sur le lit de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à lui et il a trouvé auprès de son oncle Abdullah ibn Abi Umayyah et Abu Jahl, qui sont deux têtes parmi les têtes des polythéistes. Qui étaient deux têtes parmi les têtes des polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ô oncle, dis la ilaha illallah, une parole qui sera une preuve en ta faveur auprès d'Allah. Les deux ont dit, فَقَالَ لَهُ, c'est-à-dire Abdullah ibn Abi Umayyah et Abu Jahl, ont dit à Abu Talib, te détournerais-tu de la religion de Abdul Muttalib, qui est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est le père de Abu Talib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réitéré sa demande, et les deux ont réitéré leur question. Les deux polythéistes. Et la dernière chose qu'a dit Abu Talib est qu'il était selon la religion de Abdul Muttalib. Il a refusé de dire « La ilaha illallah ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je demanderai le pardon pour toi tant que l'on ne me l'interdira pas ». Et Allah Azza wa Jalla a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat At-Tawbah le verset 113 « Il n'appartient pas au prophète et à ceux qui ont cru de demander le pardon aux polythéistes même s'ils font partie des proches ». Et Allah Azza wa Jalla a révélé au sujet de Abu Talib en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam « Tu ne guides pas qui tu veux, mais Allah guide celui qui veut ». Et il est le plus connaisseur de celui qui mérite la guider. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ترجمة ابن المسيب هو سعيد بن المسيب أحد العلماء والفقهاء الكبار من التابعين مات بعد التسعين في الصحيح أي صحيح البخاري عن أبيه المسيب الصحابي توفي في خلافة عثمان. Ibn al-Musayyib, qui est le rapporteur de ce hadith, qui est l'un des rapporteurs de ce hadith, qui est Saïd ibn al-Musayyib, un parmi les grands savants parmi les tabi'in. Il est mort à plus de 90 ans. Et dans le Sahih, c'est-à-dire dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Donc ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, mais il est également rapporté dans le Sahih de l'imam muslim. Selon son père, Ibn al-Musayyib, Saïd Ibn al-Musayyib, qui rapporte de son père al-Musayyib, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est mort pendant le règne de Uthman radiyallahu anhu. Lorsqu'il était sur le lit de mort, c'est-à-dire lorsque les signes avant-coureurs de la mort étaient visibles sur Abu Talib. Ya am munada mudafun hudifat minhu al-ya'u wa baqiyat al-kasratu dalilan 'alayha. Ya am, ici le cheikh explique pourquoi est-ce que l'on a une shadda avec une kasra sur le mim, car à la base, c'est ya ammi. Mais le ya a été enlevé et la kasra est restée en guise de signe de l'existence de ce ya. Kalimatan bin nasbi ala al-badali min la ilaha illallah. Ahadja. بتشديد الجيم مفتوحة على الجزم بجواب الأمر من المحاجة وهي بيان الحجة أي أشهد لك بها عند الله أترغب أتترك ملة عبد المطلب هي الشرك وعبادة الأصنام ذكره بحجة المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي أعاد عليه ما قالته وهي قوله يا عم قل لا إله إلا الله وأعاد عليه أي أعاد عليه أبو جهل وعبد الله مقالتهما وهي أترغب عن ملة عبد المطلب هو على ملة عبد المطلب استبدل الراوي بضمير المتكلم ضمير الغائب استقباحا لللفظ المذكور. Une parole, c'est-à-dire, ici le cheikh explique pourquoi est-ce que le mot kalima est mansoub, car c'est un badal de la ilaha illallah. Ahaj, c'est-à-dire une parole qui me permettra de témoigner en ta faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les polythéistes lui ont dit « Atarrabu amillati »« Atarrabu » signifie « Délaisserais-tu millata Abdul Muttalib » la religion de Abdul Muttalib qui était le shirk et l'adoration des statues et idoles. Et ceci rappelle ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit parmi les arguments des polythéistes lorsque le polythéisme a été condamné. Parmi leurs arguments, inna wajadna aba'ana ala ummah, nous avons trouvé nos ancêtres sur cette religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété sa demande à son oncle, dit la ilaha illallah. Et les polythéistes, Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya également réitéraient leur question qui était une question sous forme de réprimande ou de menace, à savoir, délaisserais-tu la religion de tes ancêtres, sachant que cela faisait partie des arguments qui, selon eux, prouvaient qu'ils devaient rester dans cette religion. Puis, le rapporteur du hadith, qui est Al-Musayyib, radiyallahu anhu, a dit, et la dernière parole qu'il ait dit, huwa ala millati Abdul Muttalib. Il est sur la religion de Abdul Muttalib. Et ici le cheikh a dit, hafidhahullah, istabdil al-rawi bidamir al-mutakallim bidamir al-ghaib istiqbahan lil-lafz al-madhkur. Al-Musayyib, radiyallahu anhu, cite la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que la dernière des paroles était, la dernière des paroles d'Abu Talib était, normalement, si l'on aurait suivi la logique, ce serait de dire, فَكَانَ آخِرُ مَا قَالَ أَنَا عَلَى مِلَّةِ Ibrahim. La dernière parole qu'il est dit, c'est, je suis la religion de Abdul Muttalib. Mais ici, le rapporteur a dit, huwa ala millati Ibrahim. Ala millati afwan Abdul Muttalib. Ici, le damir, il a été changé. Au lieu que ce soit un pronom personnel, c'est un pronom, qui montre une personne. Il a dit, la dernière de ses paroles, il suit la religion de Abdul Muttalib. Il n'a pas dit je suis. Pourquoi ? Pour condamner ce fait qu'il a dit. Pour condamner cette parole, à savoir de suivre la religion de Abdul Muttalib. Au lieu de dire ana, il a dit huwa. Est-ce que c'est clair ou pas ? Non ? C'est pas clair. Non. On va donner un exemple. Lorsque tu rapportes une parole de quelqu'un, tu vas dire, il a dit, je suis la religion de Abdul Muttalib. Tu vas dire, sa dernière parole est, je suis la religion de Abdul Muttalib. Mais toi, tu vas dire, sa dernière parole est, il suit la religion de Abdul Muttalib. Quand tu dis, il suit, ça, tu changes le pronom « je » par « il » pour condamner cette parole qu'il a dite. Est-ce que c'est clair ou pas ? C'est subtil la langue arabe. « Wa aba an yaqula la ilaha illallah »« Hada ta'kidun lima qablah »« Ma kana lin nabi »« Ay ma yanbaghi »« Wa huwa khabarun bima'na nahi » Et il a refusé de dire la ilaha illallah. Et lorsque Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma kana lin nabi, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas au prophète de aux croyants de demander le pardon aux polythéistes, même s'ils font partie des proches. Il n'appartient pas, ceci est un khabar, c'est une information, mais qu'est-ce qui est voulu derrière ? L'interdiction. Ce qui est voulu derrière, c'est l'interdiction. المعنى الإجمالي للحديث كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه وفعل من حمايته ما لم يفعله غيره من الناس فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته ومن ذلك أنه عاده لما مرض فجاءه وهو في سياق الموت وعرض عليه الإسلام ليكون خاتمة حياته ليحصل له بذلك الفوز والسعادة وطلب منه أن يقول كلمة التوحيد وعرض عليه المشركون أن يبقى على دين آبائه الذي هو الشرك لعلمهم بما تدل عليه هذه الكلمة من نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحده وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم طلب التلفظ بالشهادة من عمه وأعاد المشركون المعارضة وصاروا سببا لصده عن الحق وموته على الشرك وعند ذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبن له من الله المغفرة ما لم يمنع من ذلك فأنزل الله المنع من ذلك وبين له أن الهداية بيد الله يتفضل بها على من يشاء لأنه يعلم من يصلح لها ممن لا يصلح. Le sens général de ce hadith. Abu Talib protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam du mal de son peuple. Et il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme personne d'autre ne l'a protégé parmi les humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait donc la guider de son oncle. Il l'a donc visité lorsque son oncle tomba malade et qu'il était sur le lit de mort. Il est parti le voir et lui a exposé l'islam afin qu'il l'embrasse. Et pour que l'islam soit la dernière chose qu'il ait faite dans sa vie afin de pouvoir bénéficier de la réussite et du bonheur dans la vie de l'au-delà. Il a donc demandé à son oncle de dire la parole du tawhid. Les polythéistes, eux, lui ont proposé et lui ont exposé le fait de rester selon la religion de ses ancêtres, qui était le polythéisme. Car ils savaient très bien ce que la parole « La ilaha illallah » signifiait comme négation du shirk et comme sincérité dans l'adoration d'Allah seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réitéré sa demande à son oncle de prononcer cette attestation. Et les polythéistes ont eux aussi réitéré cette parole contradictoire, à savoir de dire à Abu Talib de rester dans la religion de ses ancêtres, et ils ont été la cause de sa déviation de la vérité, et ils ont été la cause qu'Abu Talib soit mort dans le polythéisme. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré qu'il demanderait le pardon pour son oncle à Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'on ne lui interdirait pas. Allah azza wa jalla a alors révélé l'interdiction et a expliqué que la guider et entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'accorde à qui il veut, car c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui sait le mieux, qui mérite cette guidée de celui qui ne la mérite pas. Munasabatul hadith lilbab, anna ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam la yamliku naf'an liman huwa aqrabu an-nas ilayh مما يدل على بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم لجلب النفع أو دفع الضر وغيره من باب أولى. Quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre? Le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas le pouvoir d'apporter un bien aux gens qui sont les plus proches de lui. Ceci donc montre la nullité du fait et la fausseté du fait de s'accrocher au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour obtenir un bien ou être épargné d'un mal, de ce fait de s'accrocher à autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore plus faux. ما يستفاد من الحديث أولا جواز عيادة المريض المشرك إذا رجي إسلامه. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, l'autorisation de rendre visite à un malade parmi les polythéistes lorsque l'on espère sa conversion. ثانيا مضرة أصحاب السوء وقرناء الشر على الإنسان. Deuxièmement, l'effet néfaste des mauvais compagnons et des mauvais amis sur l'être humain. ثالثا أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام والأولياء والصالحين وإفراد الله بالعبادة وأن المشركين يعرفون معناها. Troisièmement, on retient de ce hadith que la signification de la ilaha illallah est de délaisser l'adoration des statues, des saints, des vertueux et de vouer l'adoration à Allah exclusivement. Et on retient également de ce hadith que les polythéistes connaissaient la signification de la ilaha illallah. Rabi'an. أن من قال لا إله إلا الله عن علم ويقين واعتقاد دخل في الإسلام. Quatrièmement, on retient de ce hadith que celui qui dit la ilaha illallah avec science, certitude et croyance entre en islam. خامسا أن الأعمال بالخواتيم. Cinquièmement, que les actes sont lié à la fin. أن الأعمال بالخواتيم. Sixièmement, تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم. Sixièmement, l'interdiction de demander le pardon aux polythéistes, de même qu'il est interdit d'être allié à eux ou de les aimer. سابعا بطلان التعلق على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لجلب النفع أو دفع الضر. Septièmement, la fausseté de s'accrocher au prophète صلى الله عليه وسلم et à autre que lui afin d'obtenir un bien ou d'être épargné d'un mal. ثامنا الرد على من زعم إسلام أبي طالب. Huitièmement, il y a dans ce hadith une réponse à ceux qui prétendent qu'Abu Talib s'est converti à l'islam. تاسعا مضرة تقليد الآباء والأكابر بحيث يجعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع. Neuvièmement, l'effet néfaste de suivre aveuglément les ancêtres et les grands, de telle sorte que leurs paroles soient considérées comme une preuve à laquelle l'on retourne lorsqu'il y a des désaccords. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله تعالى وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. Puis l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah entame le chapitre de ce qui est rapporté dans le fait que la cause de la mécréance des fils d'Adam et la cause du délaissement de leur religion et l'exagération vis-à-vis des personnes vertueuses. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, ô gens du livre, n'abusez pas dans votre religion. مناسبه الباب لكتاب التوحيد ان المصنف رحمه الله لما بين بعض ما يفعله عباد القبور مع الاموات من الشرك المضاد للتوحيد اراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك ليحذر ويجتنب، وهو الغلو في الصالحين. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. L'auteur, rahimahullah, après avoir expliqué ce que font certains des adorateurs des tombes avec les morts, comme polythéisme qui contredit le Tawhid, l'auteur a voulu dans ce chapitre montrer les causes qui amènent à cela, afin de prendre garde à celle-ci, de s'en abstenir, et cette cause est l'exagération vis-à-vis des vertueux. ما جاء أي من الأدلة تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه كفر الغلو هو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد وتعدي ما أمر الله به في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم لا تتعدوا ما حدد الله لكم لا تتعدوا ما حدد الله لكم فغلا النصارى في المسيح وغلا اليهود في عزير. Ce qui est rapporté, c'est-à-dire comme preuve. Tarkihim ici, Cheikh Al-Fawzan explique qu'il est majrour car il est ma'touf ala kufr. Car il est mudaf ilayh, il est ma'touf ala kufr. Al-ghulu en arabe, qui est le fait de dépasser la limite. Et al-ghulu concernant les vertueux, c'est le fait de dépasser la limite en donnant de l'importance, outrepassée, à ces vertueux, soit par la parole, soit par la croyance, et dépasser ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire vis-à-vis de ces personnes. Fi salihin, l'exagération envers les vertueux parmi les prophètes, les saints et autres. Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa, le verset 171, il dit « Ô vous les gens du livre, les gens du livre qui sont les juifs et les chrétiens, n'abusez pas dans votre religion, la tarlou fi dinikum, c'est-à-dire ne dépassez pas les limites qu'Allah Azza wa Jal a fixées. Les chrétiens ont exagéré à l'égard du Messie, Isa alayhi salam, et les juifs ont exagéré à l'égard de Uzair. المعنى الإجمالي للآية ينهى الله اليهود والنصارى عن تعدي ما حدد الله لهم بأن لا يرفعوا المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله وينزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. Le sens général de ce verset. Allah عز وجل interdit dans ce verset aux juifs et aux chrétiens de dépasser les limites et d'outrepasser les limites qu'Allah عز وجل leur a fixées, et de ne pas élever des créatures au-dessus de la place qu'Allah leur a accordée. Et de ne pas donner à ces créatures des places ou une place qui ne peut appartenir qu'à Allah. مناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن الغلو مطلقا فيشمل الغلو في الصالحين والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا في نبيهم وصالحيهم فعل النصارى في المسيح واليهود في عزير. Quel est le contexte de ce verset dans ce chapitre? Il y a dans ce verset une interdiction d'exagérer de façon catégorique et générale. L'interdiction dans ce verset englobe l'exagération vis-à-vis des vertueux. Même si le verset s'adresse aux gens du livre, le jugement, lui, est général et concerne l'ensemble de la communauté, afin de mettre en garde de ne pas faire vis-à-vis de leurs prophètes et leurs vertueux ce qu'ont fait les chrétiens vis-à-vis de du Messie, Isa alayhi salam, et ce qu'ont fait les juifs vis-à-vis de Uzair. ما يستفاد من الآية؟ أولا تحريم الغلو في الأشخاص والأعمال وغير ذلك. Premièrement, le retient de ce verset, l'interdiction d'exagérer sur les personnes et sur les actes et autres. ثانيا الرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في غلوهم في الأشخاص والأعمال وغير ذلك. Il y a dans ce verset une réplique et une réponse aux juifs et aux chrétiens et à tous ceux qui leur ressemblent dans l'exagération vis-à-vis des personnes et l'exagération dans les actes également. Et toute autre chose qui pourrait être sujet d'exagération. ثالثاً الحث على لزوم الاعتدال في الدين وجميع الأمور بين جانبي الإفراط والتفريط. Troisièmement, le retient de ce verset, l'encouragement à suivre le juste milieu dans la religion et dans tous les autres sujets, et d'être entre les deux extrêmes que sont l'exagération et le laxisme. رابعاً التحذير من الشرك وأسبابه ووساويله. Quatrièmement, il y a dans ce verset une mise en garde contre le polythéisme, contre ses causes et les moyens qui amènent à celui-ci. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. Puis l'imam Mohamed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah dit, et dans le sahih, il est rapporté selon Abdullah ibn Abbas qu'Allah les agrée. Dans la parole d'Allah Azzawajal, le verset 23 de sourate Nuh, et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wud, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit, en expliquant ce verset, ce sont les noms d'hommes vertueux qui faisait partie du peuple de Nuh. Lorsqu'ils moururent, le diable a suggéré à leur peuple, le peuple de ces cinq personnes vertueuses, de mettre en place des statues dans leurs assises et de nommer ces statues de la même façon que ces cinq hommes vertueux. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, mais ces statues n'étaient pas adorées. Jusqu'à ce que ces personnes meurent et que la science fût oubliée, alors ces statues ont été adorées. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, plusieurs salaf ont dit, lorsqu'ils moururent, c'est-à-dire lorsque ces cinq personnes vertueuses faisant partie du peuple de Nuh moururent, ils se sont réunis autour de leur tombe, puis ont sculpté des statues à leur image. Puis le temps est passé et ces statues ont été adorées. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ترجمة ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية مات سنة 51 رحمه الله وله مؤلفات مفيدة مشهورة. الإمام ابن القيم qui est l'imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub al-Zura'i al-Dimashqi. L'élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est mort en l'an 750 de l'Hijir, et il a de nombreux ouvrages extrêmement profitables. La tatharunna la tatruku ibadataha. ولا تذرن ودا إلى آخره أي ولا تترك هؤلاء خصوصا فلما هلكوا أي مات أولئك الصالحون وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا أوحى الشيطان إلى قومهم أي وسوس وألقى إليهم انصبوا بكسر الصاد أنصاب أي أصناما مصورة على صورهم حتى إذا هلك أولئك أي الذين نصبوا ليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها فينشطوا على العبادة ونسي العلم أي زالت المعرفة وغلب الجهال الذين لا يميزون بين الشرك والتوحيد عبدت أي تلك الأصنام لما قال لهم الشيطان إن آباءكم كانوا يعبدونها. Ne délaissez pas, la tadharunna alihatakum. Ne délaissez pas, n'abandonnez jamais vos divinités, c'est-à-dire n'abandonnez pas le fait de les adorer. Et n'abandonnez pas etc. C'est-à-dire, et ne délaissez pas ceci de façon particulière. Les cinq qu'Allah Azzawajal a cités dans Surat Nuh. فَلَمَّا هَلَكُوا, c'est-à-dire lorsqu'ils moururent, lorsque ces vertueux moururent et que leur peuple était fortement attristé de leur mort. Le diable est venu alors avec ses suggestions diaboliques et leur a dit de mettre en place, d'ériger des statues à l'image de ces personnes vertueuses. حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَٰئِكَ, jusqu'à ce qu'ils moururent, c'est-à-dire ceux qui ont façonné et mis en place ces statues afin de se rappeler les vertueux qui moururent, et ceci dans le but de s'encourager dans l'adoration. Et la science a été oubliée, c'est-à-dire que la science a disparu, et lorsque la science a disparu, que les ignorants se sont propagés, les ignorants qui ne différencient pas entre le polythéisme et le tawhid. Ubidat, elles ont alors été adorées, c'est-à-dire ces statues qui à la base étaient un rappel pour s'encourager à l'adoration, au final, ces statues ont été adorées en dehors d'Allah lorsque le diable a suggéré à ce peuple et leur a dit que vos ancêtres adoraient en réalité ces statues. Al-ma'na al-ijmali ou lil-athar. Yufassir ibn Abbas radiyallahu anhuma hadhihi al-ayata al-karimata bi-anna hadhihi al-alihata التي ذكر الله أن قوم نوح تواصوا بالاستمرار على عبادتها بعدما نهاهم نبيهم نوح عليه السلام عن الشرك بالله أنها في الأصل أسماء رجال صالحين منهم غلوا فيهم بتسويل الشيطان لهم حتى نصبوا صورهم فآل الأمر بهذه الصور إلى أن صارت أصناما تعبد من دون الله. وما ذكره ابن القيم هو بمعنى ما ذكره البخاري، إلا أنه ذكر أن عكوفهم على قبورهم كان قبل تصويرهم، فهو يضيف إلى ما سبق أن العكوف على القبور سبب لعبادتها أيضا. Le sens général de ce athar. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma explique ce saint verset de Surat Nuh, le verset 23, que les divinités qu'Allah azawajal a citées et que le peuple de Nuh adorait, malgré l'interdiction de Nuh alayhi salam d'associer à Allah une autre divinité, Abdullah ibn Abbas explique qu'à la base, ces cinq divinités sont le nom de cinq hommes vertueux parmi le peuple de Nuh, qui ont exagéré à leur égard du fait de l'embellissement du diable jusqu'à avoir fait des statues à leur image. Et plus tard, cela a amené à ce que ces images soient des statues qui ont été adorées en dehors d'Allah. Et ce qu'a cité l'imam Ibn al-Qayyim est similaire à ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, d'après Abdullah ibn Abbas, sauf que l'imam Ibn al-Qayyim apporte une information supplémentaire qui est que ils se réunissaient autour de leur tombe avant de les imager, avant de leur donner une image ou de faire des statues à leur image. Ainsi, l'imam Ibn al-Qayyim apporte une information supplémentaire qui est le fait de se réunir autour d'une tombe fait partie des causes qui amènent plus tard à ce que cette tombe soit adorée en dehors d'Allah. مناسبة الأثر للباب أنه يدل على أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتها من دون الله. Le contexte de ce athar de Abdullah ibn Abbas dans ce chapitre. Le contexte est que ce athar de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma prouve que l'exagération à l'égard des vertueux est une cause qui amène à les adorer en dehors d'Allah. ما يستفاد من الأثر؟ أولا أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله وترك الدين بالكلية. On retient de ce athar premièrement que l'exagération à l'égard des vertueux est une cause de les adorer en dehors d'Allah et de délaisser la religion totalement. ثانيا التحذير من التصوير وتعليق الصور لا سيما صور العظماء. Deuxièmement, on retient de ce athar la mise en garde contre le fait de photographier ou d'accrocher des photos, d'autant plus lorsque ce sont des photos ou des images de personnes importantes. ثالثا التحذير من مكر الشيطان وعرضه الباطل في سورة الحق. Troisièmement, il y a dans ce athar de Abdullah ibn Abbas une mise en garde contre les ruses du diable et le fait que le diable expose le faux avec l'image du vrai ou expose le faux sous l'image du vrai, sous l'image de la vérité. رابعا التحذير من البدع والمحدثات ولو حسن قصد فاعلها. Quatrièmement, on retient de ce athar la mise en garde contre les innovations et les choses nouvelles, même si l'intention est bonne. Car le peuple auquel appartenaient ces cinq vertueux, pourquoi est-ce qu'ils ont fait, ils les ont représentés dans des images et plus tard dans des statues afin de se rappeler ces personnes qui étaient vertueuses pour s'encourager à et se motiver à adorer plus. Donc leur intention au début était bonne, mais cela ne rend pas légitime l'acte qu'ils ont fait. خامساً أن هذه وسائل إلى الشرك فيجب الحذر منها. Cinquièmement, que ceux-ci sont des moyens qui amènent au polythéisme. Il est donc obligatoire de prendre garde à celle-ci. سادساً معرفة قدر وجود العلم ومضرة فقده. Sixièmement, le retien de ce athar, l'importance de l'existence de la science et l'effet néfaste et le mal qui découle lorsque la science disparaît. Et concernant cela, la disparition de la science a été la cause de la propagation du shirk, qui est le pire des péchés que puisse faire un être humain dans cette vie d'ici-bas. سابعاً أن سبب فقد العلم هو موت العلماء. Septièmement, que la cause de la disparition de la science est la mort des savants. Car ces vertueux étaient aussi des savants. Et leur mort, au fur et à mesure, a fait en sorte que la science disparaisse et que l'ignorance se propage. ثامناً التحذير من التقليد وأنه قد يؤول بأهله إلى المروق من الإسلام. Huitièmement, l'interdiction de suivre aveuglément et que cela amène ses suiveurs aveuglés à sortir de l'islam. Car ceux qui ont adoré les statues, pourquoi est-ce qu'ils les ont adorés? En suivant leurs ancêtres. Or, leurs ancêtres n'ont pas adoré ces statues. C'est pour cela que le shir parle du taqlid. C'est le diable qui leur a dit que vos ancêtres adoraient ces statues. Et eux, comme ils considèrent les faits et gestes de leurs ancêtres comme des preuves et comme un exemple à suivre, eh bien, le simple fait que le diable leur ait dit cela leur a suffi pour le faire. Car leur preuve est ce que font les ancêtres. Ce n'est pas ce qu'Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont ordonné de faire. Ainsi, on ne suit aveuglément aucun être humain, si ce n'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul que l'on doit suivre aveuglément. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit blanc, c'est blanc. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit noir, c'est noir. On le suit sans condition. Et nous n'avons pas le choix, comme l'a dit Allah azawajal, « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ » Il n'appartient pas aux croyants, lorsqu'Allah et son prophète ont ordonné une chose, d'avoir encore le choix vis-à-vis de cet ordre. Et autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel qu'il soit, kainan man kan, c'est une personne dont la parole peut être acceptée comme elle peut être rejetée. Elle est acceptée si elle est conforme au Coran et à la Sunna, et elle est rejetée si elle n'est pas conforme au Coran et à la Sunna. On actafi bihada al-qadr, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.